Et maintenant, comme d'habitude, un petit test. Oui. Écoutez la question et, pendant la pause, donnez votre réponse. Et quand vous entendez la bonne réponse, répétez-la. Commençons. Qu'est-ce que c'est la cuisine en anglais? La cuisine, en anglais, c'est cooking. Qu'est-ce que c'est « je travaille » en anglais? Je travaille, en anglais, c'est I am working. Qu'est-ce que c'est « I love » en français? I love, en français, c'est « j'adore ». Qu'est-ce que c'est une société en anglais? Une société, en anglais, c'est « a company ». Qu'est-ce que c'est « the feminine form of Italian » en français? The feminine form of Italian, en français, c'est italienne. Qu'est-ce que c'est vous aimer en anglais? Vous aimer en anglais, c'est you like.